me demande où est-ce que tout ça nous mène. Nos vies, nos rires, nos rimes, tout ce qu'on a fait nous-mêmes. Des dispensés, tous finissent par se casser. Je te parle des femmes et tous les frères qu'on a dédicacés. Y'a plus de cons en abusant, c'est rare qu'on dise qu'on pense. La confiance n'a plus de sens, on s'isole. On consomme, on produit, on tease. Et on se console dans des produits. Et surtout qu'on taffe, rien qu'on se rend malade, mec. Ça rap sec, j'persiste à croire qu'ils finiront par l'admettre. Refais un morceau cool, pourquoi t'en fais un autre? C'est triste, désolé, cause, c'est pas mon souhait de finir sur une note positive. On a tous les crocs, on ne ressent aucune faim. Dans ma tête, c'est pas la guerre, non, non, les guerres ont une fin. Dans toutes nos poches, y'a plus d'une, nous le savons. Plus j'abuse, plus je me renferme dans ma bulle, j'fume le savon. J'ai qu'une plume, mon crayon, sans voir pourquoi nous créons, pour le crément. J'pleure des gens, on voyait l'agrément. Mon cœur sur écoute, je n'ai entendu que tes battements faibles. Tout le temps Red Bull, tout le temps est beau, pourtant c'est pas le temps de fête. Sale campère, je veux l'or, est-ce que je peux me rater? L'impression que je creuse ma tombe lorsque je me creuse la tête. J'ai fait que me parler toute la nuit, remise en question. On parie sur nos vies, ouais, mais la mise en question. L'indestiné a resté en lien, c'est constant. Donc on se contente du respect des anciens. Ici le pollen règne, mais tout dans le contenant. C'est tout le temps qu'on se plante et je traîne qu'avec la mauvaise graine. Ça donne rien de concret, on est tous incompris. Crois qu'on se prend, dès qu'un nous comprend. Pourtant rien de concret, c'est souvent concret. Et rarement qu'on regrette, on dit chercher le bonheur. Mais on n'est pas prêt à la conquête, non. On veut la trêve, mais même les petits traînent dans les doses, les rêves. On se pète la tête, putain, dire qu'on avait tous des rêves. Jamais lancé de boire dans les couloirs, j'ai déposé. Sous la tête dans les étoiles, pensant pouvoir les décrocher. On a fait des projets, on pense déjà à la prochaine. Ouais, on en a trop fait, mais à la prochaine, on va crocheter nos chaînes. Longtemps que je te l'accorde, en tant que je suis malin projeté. Longtemps que j'ai pris la corde, ouais, longtemps que j'hésite à l'accrocher. J'ai pas la gueule atrophée. J'écris à l'encre grise, un crâne en crise, le cœur atrophié. Toutes nos belles phrases sont échappées. On se dit plus sûr de pouvoir aimer, je sais même pas si je l'ai déjà fait. J'prends plus la peine d'y croire, assez social, pourquoi je me sens si seul? J'écris l'histoire d'un gamin sans histoire, on tente de garder l'espoir. À notre époque c'est tendu, quand j'écris ça j'apprends qu'un ancien pote s'est pendu. On m'a dit c'est comme ça, au pire tu meurs. Là j'enjambe les obstacles, envie de m'asseoir au pied du mur. Rarement de bonne humeur, j'ai que des boulettes qui cachent mon pull. On dit faut pas que je lâche le rap, j'réponds faut pas qu'il me lâche non plus. Vu qu'écrire j'ai que ça, le smile exagère. La musique notre raison de vivre, non ne crois pas que j'exagère. Mais c'est pas sûr qu'on fera notre place, non. J'gratte dans le brasier, vu qu'on préfère crever la dalle que de grailler tous les râteliers. Vu que vous me les rappeliez, si un jour j'oublie ces phrases. Si on y arrive, certains feront tout pour que le sourire s'efface. Moi tout le monde souhaite ta chute, dès qu'un est sûr de soi. J'en suis même pas sûr, mais j'fais crêper dès que j'assume mes choix. Moi je fais que me recoller, chanter c'est cris, c'est putain de personnel, pourtant tu te reconnais. Dans les écrits, ouais je pars dans son péché quand je craque, zinc comme la folie dernière. Quand je gratte à son léger, j'en gratte, zinc mélancolique derrière. Au souvent très sombre, moi je dois rien à personne. On a subi trop de pression, plus rien nous impressionne. On croit plus en rien, mais on te laisse croire qu'on est fort notre. Sur nos partitions, les notes d'espoir sont des fausses notes. Je fais que me plaindre, mais j'ai toujours eu un graille dans mon assiette. Respecte rien, on décrocherait le monde que ça serait pas assez. Mais je me sens vide de ces tours qui nous blessent. En attendant, je profite l'avenir, je profite de la vie, vu que c'est tout ce qui nous reste. Now you know where. Sweet me Sophie. Encore des signes.